Alors les mecs, ton... ça glande ? Va peut-être falloir arrêter de se palucher dans les salons, là, les petits chatons à leur mère, là. Arrêtez de fumer la castafouette, parce que c'est du bon que je vous ramène, je vous dis, ouais, faut se secouer la paillasse, venir tendre les esgourdes. Ouais, quand je dis ça, ça me réchauffe le palpitant, ouais, ça me fait comme tout chaud en dedans. C'est DJ Goliath et DJ Chabi qui nous ont fait ça. Ah ouais, parce que, nos jours, tu veux que je te dise, y'a plus BZF2DX qui veulent leur coup de trick sur cette satanée planète. Y'a plus que de la réclame pour de la galette avariée, puis de la soupe à l'oseille, ça me débecte. Mais le problème c'est que les lascars, pour sortir de la mouise, les mistoufles, ils ont pas trouvé mieux que de baisser leur falzer, refourguant leur fion au plus offrant. Et maintenant, c'est chacun pour sa pomme, ils sont beaux les toquers, les rentiers de la musique, et ils sont là, à faire les marioles à la téloge, pouponnés comme des baignères, fagotés comme des folles au milieu d'une bande de frangines, capofrant au derche non plus qui se coule et nibère, jusqu'à plus en pouvoir, et sa dandine de croupion, tournicote du téton, tout comme tournicote le pognon, dans leur petite caboche de fiotte, de pogne en pogne, jusqu'au plus vert, non y'a plus rien, dans le milieu de la zig, je te dis, plus de master, plus de boss, y'a plus qu'une bande de corves, qui se prennent pour des gangsters, mais moi je te parle des vrais, avec une grosse paire, entre les guibolles de ceux qui chipotent pas devant la flicaille, de ceux qui se chipotent dessus dès le premier coup de pétoir venu, des ceux aussi qui ont du cœur dans le poitrail et de la matière dans le ciboulot. Un brin de respect pour le zigoto d'en face, et qui ont autre chose à foutre que de zigouiller les vieux pour peau de balle, t'es fouillé les soifères pour trois fois que d'elle, zigouiller les toxiputes, fracasser de l'oxypute, et puis de se faire la malle avec la maille. Non, y'a plus rien dans le milieu de la cambriole, je te dis, plus qu'un ramassis de branquignoles, j'en ai ras la casquette, alors je me taille. Bah ouais, je me taille. J'ai autre chose à foutre, moi. Moi, on va me jeter un gorgeon. Ah ouais, parce que à jacter comme à coup, mon pote, j'en ai que la pied qui s'assèche. Et allez, à la revoyure, les aminches. Quoi, c'est pas finito ton bordel? Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux que je te déblatère comme connerie? Tu veux des greluches? Que quick! Tu veux que je lève mes paluches? Que quick! Tu veux un refrain? T'auras rien. Si tu veux un gimmick, repasse demain. Tu veux des greluches? Que quick! Tu veux que je lève mes paluches? Que quick! Tu veux un refrain? T'auras rien. Si tu veux un gimmick, repasse demain.